An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La Bretagne et la Normandie, histoire de rivalité régionale, histoire d'amour aussi. Ainsi, quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. À qui appartient le Mont-Saint-Michel? Qui fait le meilleur cidre, la meilleure andouille, vire ou guéménée? Faut-il aborder la question du beurre? Comment se construisent ces rivalités régionales, ces taquineries entre les Normands et les Bretons qui ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne, ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons et vive les Normands aussi. Car quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'aime à revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. François Neveu, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'université de Caen, et vous nous parlez d'ailleurs depuis Caen. Vous avez participé à ce colloque dont est issu un ouvrage, Breton et Normand au Moyen-Âge, rivalité, malentendu, convergence. Le mot convergence est essentiel. Et dans cet ouvrage, ce que nous ressentons, c'est que l'histoire des régions est souvent faite de monographies. L'histoire de la Bretagne, l'histoire de la Normandie. Il faudrait faire, en fait, une histoire commune de ces deux régions. Oui, c'est certain. Pour la Normandie à la Bretagne, il y a une histoire commune et une très longue histoire commune qui occupe une bonne partie du Moyen-Âge. Donc on pourrait détailler, mais ça commence, disons, au moins dès le Xe siècle, quand les Bretons reçoivent une partie de l'actuelle Normandie, c'est-à-dire les diocèses de Coutances et d'Avranches, avec un traité en bonne et due forme en 867. Yves Coativi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Brest. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Aux origines de l'État breton, servir le duc de Bretagne au XIIIe et XIVe siècle ». Il est question tout de suite de chronologie, effectivement, dès que nous parlons des Bretons et des Normands. Nous pouvons évoquer cette chronologie qui a l'ancienneté de l'occupation d'un territoire. Les Bretons étaient arrivés là avant les Normands. Oui, alors c'est un peu compliqué. Ils sont arrivés en effet avant les Normands. Ils n'y sont pas restés très longtemps parce que divisés entre eux et assaillis par les Vikings, ils ont dû assez vite rendre le Cotentin. Mais en effet, ils avaient commencé une petite expansion vers l'Est, mais qui les a assez rapidement ramenés vers les frontières de ce qu'on appelle la Bretagne historique, même si... Et c'est au cœur de la question qui nous occupe. La frontière est de la Bretagne, Couesnon, Sélune, etc., a peut-être un petit peu fluctué aux époques anciennes, mettant le Mont en Bretagne ou en Normandie selon les époques. Mais en effet, il y a une petite antériorité des Bretons, mais qui ne doit quand même pas occulter le reste de la présence normande dans la région. Oui, parce que Yves Coativi, il y a vraiment une histoire à raconter sur l'arrivée des Bretons. Nous avons toujours ces noms qui apparaissent, Bretagne, Normandie, Normand, Breton. Il y a des populations qui sont là depuis très longtemps. Et avec, pour la Bretagne, tout le développement d'une mystique liée à l'ancienneté. Et nous pensons tout de suite aux mégalithes, aux menhirs, aux dolmens. Tout à fait, oui. Alors, les Bretons donc s'installent dans l'ouest de la France, donc entre eux, allez, le 4e et 7e, 8e siècle, la chronologie reste encore à préciser. C'est l'objet de débats sans fin. La présence bretonne est surtout importante à l'ouest d'une ligne qui va de Saint-Brieuc à Guérande, mais à l'est de cette ligne, on trouve des Bretons donc dans ce qui est la Haute-Bretagne actuelle, des implantations bretonnes du Haut Moyen-Âge dans ce qui est la Haute-Bretagne actuelle, mais aussi dans le Cotentin, du côté de la Seine, etc. Léon Fleuriot, il y a ça quelques décennies, avait bien montré que cette expansion était... les Bretons quittaient la Bretagne et cherchaient un endroit sur le continent. Et puis, petit à petit, la concentration quand même de Bretons s'est faite dans l'Ouest, suffisamment nombreux pour qu'ils imposent leur langue. Donc le breton devient la langue de la région pour plusieurs siècles. Et puis ailleurs, on sent bien que les enclaves bretonnes qui ont pu exister donc à l'ouest de ce qu'on appelle la ligne Lot, hein, cette ligne de séparation du breton du français, sont vite noyées dans les autres populations romaines, gallo-romaines ou autres. Oui, parce que les bretons, tel que nous l'entendons, évoque la Bretagne, mais la Bretagne au sens de l'Antiquité romaine. Cette Bretagne, c'est aujourd'hui l'Angleterre, pour simplifier les choses, la Grande-Bretagne en tout cas. Il y a déjà dans l'histoire des Bretons ce déplacement de population et puis une culture qui permet une adaptation assez rapide en fait dans la Bretagne, région française. Oui, alors là encore, c'est l'objet de débats sans fin, mais bon, il est probable que les Bretons arrivant, donc Bretons de l'île de Bretagne, romanisés et chrétiens, arrivent en Armorique, où ils trouvent sans doute des populations en décrue démographique, ce qui explique sans doute la facilité de l'installation, sans doute chrétienne, en partie chrétienne, ou en tout cas pas hostile à l'arrivée de leurs voisins d'outre-Manche, et qui doivent parler sans doute des langues assez proches, ce qui expliquerait que la langue bretonne, se fondant peut-être aux Gaulois que parlaient encore les populations, a pu faciliter cette implantation. Donc un mouvement de population, en tout cas relativement important. La difficulté, c'est qu'on est renseigné par une documentation qui pose problème, qui sont des vieux dessins, qui sont souvent postérieurs, qui relèvent de la géographie, donc qui donnent un discours tout à fait caractéristique, hein, mais difficile à employer, ou quelquefois par l'historien, mais c'est une période qui reste encore un petit peu difficile à connaître, et l'archéologie nous aide peu. Même si ces dernières années, on a eu quand même un certain nombre de chantiers qui montrent des évolutions entre l'époque romaine et l'époque du Haut Moyen-Âge. Oui, parce que il y a évidemment les sources archéologiques et puis il y a surtout cette interprétation sans cesse des faits historiques ou de ces traces archéologiques. Tenez, un champ de menhir juste devant nous. Cette légende que je vous récite, je les ai appris par mes vieux parents, mon grand-père, ma grand-mère, mes arrière-parents. Et maintenant, je les apprends aux enfants pour que lors d'autres pays de Carnac, on n'oublie pas cette légende des menhirs. On dit que toutes ces pierres étaient autrefois un ancien cimetière gaulois. À chaque mort qu'il y avait, on y mettait une pierre. Un riche, une grosse, un pauvre, une petite. Mais la légende dit aussi que Saint Cornélie, poursuivi jusqu'au bord de la mer par les soldats païens, ne trouvant plus de vaisseau pour s'enfuir, se retourna et changea tous les soldats en pierre. Les légendes récitées à Carnac par des enfants, ça fait un petit peu peur, sur la radiodiffusion française en 1964. Yves Coativi, je vous pose une question difficile. À quel moment s'impose une identité bretonne? À quel moment les Bretons vont dire « mais nous sommes Bretons » ? Voilà, ça c'est bien. Ça dépend si vous me laissez 4 heures. Ça c'est très difficile à cerner. Bon, il est clair qu'à la fin du Moyen Âge, les chroniqueurs bretons qui travaillent pour les ducs de la dynastie Montfort, Pierre Le Beau, Alain Bouchard ou l'anonyme de Saint-Brieuc qui n'est plus anonyme, etc. Pour eux, clairement, il y a un pays breton, une nation bretonne, il parle « mon pays et ma nation ». Bon, si on remonte le temps, Geoffroy de Mondemousse, qui est un personnage, un breton armoricain, passé par la Normandie pour arriver en Angleterre, lui aussi, donc on est quand même beaucoup plus tôt, on est au XIIe siècle, fait remonter, évoque l'histoire des Bretons, reconstruit une histoire qui fait remonter à la, à la ville de Troyes, il fait du breton la langue de Troyes, etc. Donc on peut considérer que ça s'est créé dans la seconde partie, cette identité bretonne s'est créée dans la seconde partie du Moyen-Âge, en tout cas on en a des traces importantes. Après, il est probable qu'auparavant, les Bretons arrivés en Armorique avaient conscience de leur situation, de leur statut. De là à dire qu'il y avait une identité bretonne, c'est beaucoup dire. Mais enfin, il est clair qu'à la fin du Moyen-Âge, il y a une identité bretonne, une conscience, une pensée politique qui va avec et qui se structure dans la mise en place des États princiers au XIVe, au XVe siècle. Donc la seconde moitié du Moyen-Âge, c'est clair, avant ça l'est moins. Et puis, pour les Bretons, nous avons une histoire de migration qui équivaut aussi à une autre histoire, celle des Normands. C'est également une question de migration, François Neveu. Alors, sauf que la chronologie n'est pas la même, nous sommes un tout petit peu plus tard. Oui, c'est nettement plus tard, puisque les invasions scandinaves datent du 9e, essentiellement 9e d'ailleurs, et au 10e siècle, les choses vont se stabiliser en ce qui concerne le territoire, hein, puisque un groupe de vikings, alors appelons les vikings, hein, ce sont les mêmes choses que les normands. Les normands sont les hommes du nord, bien entendu, mais c'est d'abord des vikings qui s'installent dans la future Normandie, qui n'est pas encore la Normandie, bien entendu, mais qui existe déjà d'une certaine façon, puisque c'est une ancienne province romaine. C'est la province de deuxième lyonnaise qui deviendra, sur le plan chrétien, la province ecclésiastique de Rouen. Rouen est déjà la capitale de ce territoire du point de vue ecclésiastique, pendant toute la période mérovingienne et carolingienne. Et donc, les vikings arrivent sur les côtes en petits groupes dispersés, et puis un de ces groupes, installé en Haute-Normandie dans la vallée de la Seine, va finalement s'imposer et négocier avec l'archevêque de Rouen. Alors on connaît bien tous ces événements par un auteur, hein, Dudon de Saint-Quentin, qui a écrit la première histoire de la Normandie à la demande du duc Richard Ier. Et il y a d'ailleurs à Caen un excellent spécialiste, hein, de cet auteur, qui est Pierre Bouet, vous auriez pu l'inviter aussi, et qui travaille sur ce personnage depuis des années, qui a écrit récemment un livre sur Roland, justement le premier duc de Normandie. Alors c'est ce premier duc qui va négocier avec le roi de France, c'est ce qu'on appelle le traité de Saint-Clair-sur-Epte, d'ailleurs l'Epte devenant une nouvelle frontière de ce territoire, et donc il va se faire concéder par le roi de France ce qu'on appelle la première Normandie, c'est l'expression de Pierre Baudouin, un autre spécialiste, donc la première Normandie qui correspond en gros à la Haute-Normandie. Donc on est en 911, donc la Normandie, c'est très rare en France, est une région qui a une date de fondation précise, hein, 911. Hein. Et à partir de là, vous avez aussi la formation d'un État normand qui sera beaucoup plus fort que celui qui peut exister dans les autres principautés des royaumes, à commencer par la Bretagne. Hein. Donc, dès le départ, la Normandie est une principauté bien gouvernée, et elle va l'être pendant tout le Xe siècle, jusqu'au XIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à Guillaume le Conquérant. Mais ça, on en parlera sans doute, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, parce que pour les moments, les Vikings sont dans la place. Que nous a dit Harald avant son départ? Vous avez tous entendu. Personne ne doit bouger. Quoi qu'il puisse arriver, avant qu'il soit de retour, s'il est vrai que nous avons pour lui la confiance qu'on doit avoir pour un chef, nous devons exécuter fidèlement ses ordres. Et le laisser tomber dans un piège comme est tombé mon père. Thorvald. Thorstein. Leif. Seriez-vous capable de l'abandonner? La bravoure des Vikings se serait-elle changée en couardise? Il ne s'agit pas de couardise, Gunther. Si tu veux agir, je suis prêt à te suivre. Et vous? Moi aussi. Moi aussi. Attendez! Regardez là-bas! Vous ne voyez pas comme le ciel s'obscurcit? Écoutez, Odin élève la voix. Qui oserait défier sa colère? Harald, Thorvald, Thorstein, Leif et évidemment Gunthar, les derniers vikings de Giacomo Gentiluomo et de Marion Brava, le film de 1961. François Neveu, quand les vikings arrivent, bien sûr, il y a déjà des populations sur place. Comment se passe justement l'installation des vikings? Alors, l'installation des vikings, ce sont des petits groupes de personnages qui ne seront jamais très nombreux et ils vont se trouver face à une population qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, dans les fouilles archéologiques, on n'a jamais retrouvé une tombe viking, si vous voulez, ce qui prouve que ces gens-là étaient peu nombreux et se sont fondus avec la population locale. On ne trouve que ce qu'on appelle des petits méditerranéens graciles, hein, c'est ce que disent les archéologues pour désigner les populations qui sont des populations devenues romaines, gauloises d'abord, romaines ensuite et finalement franques. On dit plutôt les Francs hein, au moment où arrivent les Vikings. Et ils parlent une langue franque qui va donner la langue française, bien entendu. Hein. Et donc, la fusion se fait assez rapidement. Ce sont surtout des hommes qui arrivent, donc ils épousent des femmes du cru. Et c'est le cas d'ailleurs des ducs de Normandie. Hein. Tous les ducs de Normandie ont épousé des femmes du cru, à commencer par Roland, qui a eu plusieurs femmes, bien sûr. Ce sont des polygames, en réalité, ces premiers ducs. Et parmi celles qui comptent, il y a une certaine Popa, hein, qui était la fille du comte de Bayeux, et qui va donner naissance au second duc de Normandie, qui s'appelle déjà Guillaume, hein, c'est Guillaume Longue-Épée. Et justement... Là, on est... Allez-y, François Neveu. Non, Guillaume Longue-Épée, donc qui succède à son père vers 927 et qui sera duc jusqu'à 942. Il sera d'ailleurs assassiné à l'instigation du comte de Flandre, parce qu'il y a aussi d'autres rivalités en jeu à cette époque-là. Et oui, bien sûr, parce que nous parlons aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture des rivalités entre la Bretagne et la Normandie. Il ne faudrait pas oublier les autres régions. Mais dans cette construction de rivalité, Yves Coativi, l'État normand se construit peu à peu. Peut-on déjà parler d'une rivalité avec la Bretagne au moment de la construction d'un État normand, alors que en Bretagne, la construction ne se fait pas de la même manière? Non, la construction est plus tardive en Bretagne. La Bretagne se remet mal, d'ailleurs, du passage des Vikings, qui s'installent assez durablement en Basse-Loire. On en a retrouvé des traces archéologiques. Là, je crois que la seule tombe à barque connue en France se situe à l'île de Groix. Et on a des traces de la présence viking qui sont venues bousculer les ducs de Bretagne, qui étaient par ailleurs très divisés entre eux, des rivalités de famille qui les affaiblissaient. Et donc le premier contact est assez violent avec les vikings, puis les Normands installés viennent, la tapisserie de Bayeux le montre très bien, dans l'est de la Bretagne, sans doute pour essayer peut-être de la conquérir ou de la dominer, ils viennent s'emparer de Dole, de Dinan, etc. La très belle représentation de soldats normands essayant de mettre le feu au mode féodal de la région. Donc, les rapports ont été manifestement assez tendus et la Bretagne doit étaler correctement quand même ses attaques, puisqu'elle réussit à se maintenir tant bien que mal jusqu'au moment où les Plantagenets s'installent, Henri II et Geoffroy, et à partir de la fin du XIIe, donc seconde moitié du XIIe et au XIIIe siècle, là on voit se construire un État qui en effet auparavant n'a rien à voir avec la Normandie voisine. Oui, parce que les Normands deviennent rois de Normandie. C'est sûr que la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066 est un moment majeur. François Neveu, quand les Normands prennent une telle ampleur en allant jusqu'en Normandie, bien sûr il y a un regard porté sur la Bretagne. Comment est-elle considérée alors ? Oui, absolument. Alors, il y a des liens forts à cette époque-là entre Normands et Bretons, parce que certes, Guillaume fait cette expédition de Bretagne auquel mon collègue a fait allusion. En 1064, il y emmène d'ailleurs Harold, hein, qui est l'envoyé du roi d'Angleterre anglo-saxon, ce roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, qui n'a pas de descendants. Et par conséquent, Guillaume a été désigné comme son successeur. C'est la raison pour laquelle il va envahir l'Angleterre pour réclamer son trône qui a été pris entre-temps par Harold, justement. Donc c'est tout ce que raconte la tapisserie de Bayeux, qui est à la fois une œuvre d'art et un document historique de première importance, d'autant plus qu'elle a été faite vraiment tout à fait à l'époque, dans les années suivant, immédiatement, la conquête de l'Angleterre. Mais évidemment, cette conquête de l'Angleterre, d'abord, elle supposait qu'il y ait la paix autour de la Normandie. C'est une des raisons de l'expédition en Bretagne. Il ne fallait pas que le duc de Bretagne attaque attaquent la Normandie pendant la conquête. Hein. Et d'autre part, le roi de France, à ce moment-là, était un enfant, était faible, et le tuteur du roi de France, c'était le comte de Flandre, qui, à cette époque-là, était l'allié, puisque c'était le beau-père de Guillaume, le père de la reine Mathilde, un personnage très, très connu. Donc la paix est en fait en France, si vous voulez, Guillaume pouvait partir, il n'est pas parti seul, il est parti avec beaucoup d'autres Français, si je puis dire, des Français de l'Île-de-France, des Flamands et des Bretons. Alors c'est ça, c'est un point important. La Bretagne étant divisée, eh bien, il y avait beaucoup de Bretons qui étaient plutôt contre le duc de Bretagne et qui se sont alliés à Guillaume et qui ont participé directement à la conquête de l'Angleterre. Et en particulier des Bretons du nord, ce qu'on appelait la Domnonée, hein, la partie nord de la Bretagne. Et donc les fils d'Eudon de Penthièvre et en particulier Brien. On est sûr que ce Brien a participé à la bataille d'Hastings, et puis également son frère Alain le Roux, qui est devenu un des principaux barons anglais, avec le fief de Richmond, qui va appartenir pendant des siècles au duc de Bretagne. Nous entendons bien qu'il y a dans l'histoire des rivalités entre la Normandie et la Bretagne, en réalité, des alliances, des moments où les deux populations ont tendance à se déchirer, mais au sens où la Bretagne n'est pas une, la Normandie non plus n'est pas une, et entre ces deux régions se trouve une abbaye. Il est dit, dans la règle de Saint-Benoît, bon, il a toujours été prévu, si vous voulez, un père hôtelier parce qu'il y avait les hôtes. Nous accueillons donc, conformément à la tradition de l'ordre de Saint-Benoît, nous accueillons des hôtes. Mais notre abbaye est quand même perchée très haut. Il fallait donc monter. N'est-ce pas? Il y a une phrase, un certain abbé et commendataire, qui ne pouvait pas vivre ici, n'est-ce pas? Dans cette abbaye, juchée à l'escarpoulette, n'est-ce pas? De cette abbaye que la folie de nos pères a construit en ces lieux. Le père prieur Bruno de Sonneville qui s'exprimait à propos du Mont Saint-Michel en évoquant cette abbaye bénédictine. Et dès lors se pose la question terrible dans cette baie, un rocher qui aujourd'hui encore fait discussion. Yves Coativi, vous êtes à Brest, professeur à Brest. Le Mont Saint-Michel normand ou breton ? Excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. La difficulté, c'est quand. La difficulté, c'est à quelle date. C'est-à-dire qu'il est clairement normand actuellement. Bon, je suis sincèrement désolé de devoir le reconnaître et j'en fais hommage à François Neveu. Mais pour la période entre la fondation du Mont et donc au moins 765, où on sait que la frontière bretonne se situe plus à l'est, peut-être a-t-il été breton. La question étant de savoir quelle était l'origine des moines, qui l'origine géographique, ethnique peut-être, des moines qui étaient dedans. Mais il est clairement breton pour l'essentiel de son... Clairement, je me suis trahi. Il est clairement normand pour... Le lapsus révélateur. Il est clairement normand pour l'essentiel de son histoire. Il y a quand même eu quelques passages où les Bretons y sont venus, s'y sont installés, voire l'ont dévasté. Et donc, là, de ce côté-là, c'est pas forcément le meilleur côté le meilleur aspect de leur personnalité qu'ils ont montré au moment de la guerre de Cent Ans, par exemple, où ils incendient le Mont. Mais non, le Mont est clairement normand. François Neveu, professeur émérite à l'Université de Caen. Même question, le Mont breton ou normand? En fait, le Mont est sous l'influence d'un pouvoir fort et celui des ducs de Normandie s'impose, en fait, autour du Mont. Oui, alors je vais porter une pierre dans le jardin de mon collègue en disant que le Mont a effectivement été breton pendant un temps. Alors, un temps un petit peu difficile à déterminer, mais en tout cas, on connaît au moins un abbé breton qui s'appelait Finimontius vers 867. Et à cette époque-là, effectivement, comme tout le Cotentin et l'Avranchin étaient bretons, bien naturellement, le Mont était englobé dans le territoire breton. Mais ça n'a pas duré très longtemps, hein, puisque je vous le disais tout à l'heure. En 933, le duc Guillaume Longue Épée a récupéré donc tout ce territoire. Et donc, le Mont est devenu normand dès cette époque-là. Il a toujours été depuis. La frontière, c'est le Couesnon, mais le cours du Couesnon a beaucoup varié. Vous connaissez le célèbre adage, hein, le Couesnon, en sa folie, a mis le Mont en Normandie, hein, puisque le Couesnon varie selon les temps. Et en réalité, le cours actuel du Couesnon, aujourd'hui est canalisé en grande partie, donc il ne varie plus tant que ça. Mais en réalité, au Moyen-Âge, il se situait plus à l'ouest et il se situait sur la frontière actuelle, hein, entre le département de la Manche et le département d'Ille-et-Vilaine. Donc il était beaucoup plus loin du Mont et par conséquent, le Mont était beaucoup plus nettement en Normandie, si je puis dire. Et par la suite, donc le Mont a été directement influencé par les ducs de Normandie et ce sont les ducs de Normandie qui ont fait venir des moines bénédictins pour fonder l'abbaye bénédictine, hein, puisque avant 966 c'était une communauté de chanoines et il semblerait que cette communauté n'ait pas bien respecté à la vie religieuse. C'était probablement des chanoines mariés, ce qui n'est pas très étonnant d'ailleurs à cette époque-là, hein, puisque le mariage des prêtres, c'est une invention récente pour le Moyen-Âge, hein, puisque ça ne prend place qu'à partir du 11e, 12e siècle essentiellement. Hein, donc c'est pas étonnant de trouver des chanoines mariés tout à fait régulièrement à cette époque-là. Mais évidemment, ça plaisait pas aux moines et aux bénédictins, et ils ont dû cohabiter, mais ils ont d'une certaine façon pris le pouvoir. Et c'est d'ailleurs les premiers bâtiments qui existent encore aujourd'hui ont été construits à cette époque-là. Là, par ces premiers moines bénédictins envoyés par le duc de Normandie, Richard Ier, et qui venaient des grandes abbayes de la Seine et en particulier de Jumièges, hein, les premiers abbés Ménard en particulier. Alors ça a été un petit peu discuté ça, mais je pense que c'est un fait incontestable. Et justement, François Neveu, ces moines bénédictins ne se posaient pas la question de savoir s'ils étaient bretons ou normands. Moines bénédictins, ils sont bénédictins. La question pour les habitants du Mont, quand ils sont religieux, n'est pas celle d'une appartenance. Non, absolument pas. D'autant plus que ces premiers abbés n'étaient pas normands non plus. Ils venaient plutôt de Flandre. C'était des abbés réformateurs. On est dans une période de réforme de l'Église et la réforme commence par les moines. Tout le monde connaît la célèbre abbaye de Cluny. Eh bien, en Normandie, vous avez aussi une réforme monastique qui est menée par des abbés comme ces premiers abbés du Mont-Saint-Michel. Eh bien, justement, qu'en pense monsieur le maire du Mont-Saint-Michel ? Ce qu'on appelle la Côte de l'Émeraude, ça part de Saint-Malo, ça va jusqu'à Granville. Alors, c'est normand-breton, c'est pareil. France Culture. Qui vient secourir le Mont-Saint-Michel pendant la guerre de Cent Ans ? Les Bretons. Qui rattache le Mont-Saint-Michel à son duché ? C'est le duc de Normandie en 966, lorsqu'il crée l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Le cours de l'histoire. Ça commence à me fatiguer, des gens qui disent n'importe quoi. Enfin, faut Xavier Mauduit. On retire le drapeau, on met l'européen. Allez hop. Histoire de rivalité régionale. Allez hop. Bretagne face à la Normandie, Normandie face à la Bretagne. À qui appartient le Mont-Saint-Michel? Qui fait la meilleure andouille? Qui fait le meilleur beurre? Faut-il du sel ou faut-il qu'il soit doux? Eh bien, dans le cours de l'histoire, partons à la rencontre de ces discussions qui nous animent sans cesse dès qu'il est question de Bretagne et de Normandie. Donnez-nous de calva. Ouh là là. On va faire le trou normand. Le calva dissout les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. À votre tour, les Bretons. Montrez-nous comment vous faites. Encore un peu de cidre. Je me demande si ça serait bien prudent. Manger les tripes sans cidre, c'est aller à Dieppe sans voir la mer. Un peu de laitage, Bernard. C'est bon pour la santé. Alors, la tome de Ruisse, en fait, on sale au sel de Guérande. Bon, bah merci de cette belle découverte. Je vais goûter quand même. Le plus affiné et le plus puissant. Hein. Vraiment, il a du goût. Ça représente bien le camembert de Normandie. Hé, doucement, on n'irait jamais jusqu'au bout. C'était le dessert préféré quand des communions. Et voilà, tout le monde. Aux communions, c'était l'Atergoul qu'on amenait sur les plats, c'était formidable, oui, ça c'est clair. Chez vous, la recette est un petit peu différente. Un gâteau qui se fait à la main, exclusivement à la main sur le grand nez. Donc je pense que j'ai dû faire mes premiers cuillères mondes vers 7 ou 8 ans. Voilà, beurre doux ou beurre salé? Voilà, en Bretagne, Maya. Attention, la personne a failli quitter le plateau. Mais en Bretagne, on consomme du beurre salé. Regardez, goûtez-moi ça. Voilà. Allez, bon appétit. Dans la vallée de Dana, évidemment, où l'on a croisé aussi Jean Gabin, Louis de Funès dans Le Tatoué. Et oui, ce sont des moments qui nous construisent, qui forment notre identité, cette culture bretonne, cette culture normande, avec des histoires de beurre, de cidre, d'andouille, de Mont-Saint-Michel. Yves Coativi, justement, il y a comme un jeu, presque un jeu de construction d'identité avec tous ces éléments sans cesse évoqués autour de rivalité ou de pseudo-rivalité. Oui, ça fait partie de la construction. Alors, on le constate très nettement à la fin du Moyen-Âge. Au 14e au 15e siècle dans les chroniques, la construction des états princiers se fait autour d'un personnage, d'un pouvoir et contre les autres. Et alors ce qui est assez curieux, parce que pour préparer cette émission, là, j'ai un peu repris les chroniques bretonnes, et autant les chroniqueurs bretons sont très hostiles aux Anglais et aux Français, auxquels ils reprochent en particulier un côté efféminé, hein, les nobles français ne pensent qu'à danser en salle jonchée, nous disent les chroniqueurs. Autant j'ai essayé de chercher des traces d'une rivalité, d'une animosité contre les Normands et je ne l'ai pas trouvée. Les Bretons sont très hostiles aux Anglais, spécialement depuis la guerre de succession, donc dans les années 1341-1364, très hostiles à la monarchie, c'est le duc qui essaye de défendre son duché contre son puissant voisin, mais en revanche, les Normands apparaissent, en fait, la Normandie apparaît régulièrement, les Normands eux-mêmes n'apparaissent que très peu, et il n'y a aucun aspect négatif. Et c'est recoupé par ce concept du commerce en particulier qui unissait dès le 12e, 13e et ça se poursuit 14e, 15e, etc. La Bretagne, la Normandie, mais aussi le Poitou, etc. On sent que les échanges sont très réguliers, que ce sont des populations qui se connaissent bien, qui sont en contact, et l'animosité n'est pas très forte. Alors, on peut imaginer quand même que quand les Bretons sont en opération militaire dans la première moitié du XVe siècle, au moment de la reconquête du royaume, là, la présence de soldats bretons n'a pas dû être très appréciée des Normands, ça c'est clair, parce que les Bretons participent très nombreux à la reconquête de la Normandie, en particulier en 1450. Mais à la limite, ça c'est un phénomène qui est valable aussi bien pour les Bourguignons, les Gascons, enfin le militaire en campagne n'est pas très apprécié, surtout s'il n'est pas du cru. Mais autrement, les relations ont l'air d'être assez bonnes et toujours dans ces années 1420, donc après Azincourt, quand la Normandie est dans une situation très difficile, des Normands viennent s'installer dans l'est de la Bretagne et y restent et développent en particulier le tissage dans la région, dans le secteur Vitré, Fougère, etc. Là. Et donc, la rivalité picrocolline autour du Mont-Saint-Michel semble assez récente. En tout cas, au Moyen-Âge, quand on la cherche, on ne la voit pas ou peu. C'est la question des sources, François Neveu. Effectivement, les sources reflètent toujours une position, et critiquer le voisin, c'est une posture évidente. C'est en cela aussi que les rivalités, les soi-disant rivalités entre la Bretagne et la Normandie doivent être lues. Oui, alors justement, c'est très intéressant de parler des sources parce que mon collègue a parlé de sources tardives au Moyen-Âge, mais la Normandie, étant la puissance dominante pendant une bonne partie du Moyen-Âge, a des sources beaucoup plus anciennes, si vous voulez. Et en particulier, des sources du XIe siècle, et notamment le principal biographe de Guillaume le Conquérant, qui est Guillaume de Poitiers. Et Guillaume de Poitiers nous raconte en détail l'expédition de Bretagne. C'est l'autre grande source avec la tapisserie de Bayeux. Et là, il fait un portrait des Bretons qui est un portrait très à charge. Il nous dit que les chevaliers bretons sont des quasi-sauvages, qu'ils sont polygames, qu'ils ont 50 enfants chacun. Et vous voyez, c'est donc un portrait qui ne correspond pas du tout à la réalité, mais qui montre qu'à cette époque-là, les Normands ont une vision assez négative des Bretons. Alors ça, c'est pour cette époque-là, les choses vont sans doute changer. Il faut dire qu'il y a beaucoup de Bretons qui ont émigré en Normandie dès le Moyen-Âge, et puis à d'autres époques. Aujourd'hui encore, nous avons beaucoup de compatriotes, si je puis dire, qui sont d'origine bretonne et qui portent des noms bretons. Donc les échanges ont été effectivement constants. Alors, pour revenir au Mont-Saint-Michel, justement, et à la guerre de Cent Ans, il y a quand même cet épisode de l'occupation anglaise de la Normandie, où le Mont-Saint-Michel est le seul point de résistance. Et ça explique d'ailleurs le culte qu'avait Jeanne d'Arc pour le Mont-Saint-Michel, bien qu'elle ne soit jamais venue au Mont-Saint-Michel. Et là, il y a un personnage emblématique dont on n'a pas encore parlé, mais qu'il faut citer, c'est Bertrand du Guesclin, hein, puisque au XIVe siècle, c'est un petit peu plus tôt par rapport à Jeanne d'Arc, bien sûr, au XIVe siècle, Bertrand du Guesclin a été le défenseur du Mont-Saint-Michel. Et Bertrand du Guesclin est un personnage qui est à la fois normand et breton. C'est intéressant. Alors, c'est peu connu, on le considère comme un breton en général, c'est vrai que son père était breton, mais on oublie que sa mère était normande. Hein. Par conséquent, il est partagé en quelque sorte entre les deux. Et il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de Bretons n'aiment pas beaucoup du Guesclin parce qu'ils considèrent qu'il a été traître à la Bretagne, qu'il était du côté du roi de France. Hein. Mais en réalité, c'est un homme qui est toujours resté fidèle à ses alliances. Il était fidèle aussi à son duc de Bretagne à une époque où il y avait une guerre civile en Bretagne avec deux ducs concurrents qui se faisaient la guerre. L'un étant soutenu par le roi de France et l'autre par le roi d'Angleterre. Alors bien entendu, du Guesclin était dans le camp de celui qui était soutenu par le roi de France, évidemment. Oui, parce que le pays France se constitue, le duché de Bretagne est une entité, la Normandie en est une autre, et toujours cette question de frontières. En 1474, Pierre Roxart se balade de ce côté-là pour essayer de délimiter la frontière. Lecture par Sandy Boisard. Item, recorde le dit Roxart par son serment que depuis environ le temps de 71 ans, soit un peu avant la venue des Anglais en Normandie, il estoit demeurant au dit lieu de Pontorson. Et durant ce temps, il avoit une borne de pierre d'environ 2,5 pieds de large et carrée qui estoit armoiriée d'un côté des armes de France, de vers la terre de Normandie, et du côté de vers Bretagne, des armes de Bretagne. Et disoit-on communément que s'estoit la séparation des dites terres de Bretagne et de Normandie. Outre, dit ce témoin qu'il vit un nommé Rogier, également du dit lieu de Pontorson, qui se mettoit à califourchon sur la dite borne et disoit qu'il estoit normand d'un côté et breton de l'autre. Une enquête de terrain pour établir l'existence d'une ancienne borne pour matérialiser la frontière entre la Bretagne et la Normandie. Nous sommes à la fin du XVe siècle. François Neveu, la question même de frontière doit se comprendre avec celle de la construction de l'État, et de l'État au sens large, celui du royaume de France ou du duché de Bretagne. Oui, absolument, puisque la frontière, donc d'abord la frontière au Moyen-Âge, c'est pas forcément une ligne, justement, là, on parle de borne, là, ce qui est peut-être un petit peu prématuré en quelque sorte, même si on commence à en poser à cette époque-là. La frontière, c'est une zone frontalière, une région de marche. Et d'ailleurs, cette frontière est souvent matérialisée par des forêts. Et c'était le cas entre la Normandie et la Bretagne. Il y avait une grande forêt qui permettait de séparer, puisqu'il n'y avait pas vraiment de frontière naturelle. Le Couesnon est quand même un tout petit fleuve, hein, n'est pas une grande frontière. Et donc, ces forêts ont joué d'ailleurs un rôle historique très important. Et c'est par exemple dans ces forêts que la bande de du Guesclin se réfugiait quand elle allait attaquer les Anglais dans sa jeunesse avec ses compagnons bretons, en majorité bretons, mais il y avait aussi quelques Normands parmi ses compagnons. Yves Coativi, au moment d'évoquer la Bretagne, nous avons un mot qui couvre l'ensemble d'une entité. Mais en regardant de manière plus précise, il y a plusieurs Bretagnes. Et là aussi, cette analyse nous permet de comprendre combien cette notion de rivalité est une notion très complexe et très construite. Être breton de Brest n'est pas la même chose qu'être breton juste à côté du Mont-Saint-Michel. Non, il y a trois, enfin on distingue trois Bretagnes. On les distingue par la langue, en fait. On a à l'ouest de la péninsule des populations qui parlent le breton, avec dans cette zone deux régions, le Trégor, le Léon et la Cornouaille, donc le nord et l'ouest, qui parlent un breton qui est assez proche, enfin qui varie un petit peu, mais les gens se comprennent. Et puis la région de Vannes, le Vannetais, qui lui parle un breton assez différent, pour des raisons que certaines essayent d'expliquer. Bon, c'est assez complexe. Donc l'ouest de la péninsule parle le breton. L'est de la péninsule parle le français. Hein, du côté de Rennes, de Nantes, clairement, on parle le français. Et entre les deux, il y a une zone où on parle une langue romane, qui est le gallo, hein, qui n'est pas un patois ou une espèce de français dégénéré, hein, qui est une évolution de la langue latine, le gallo. Et donc on a ces trois ensembles qui se divisent traditionnellement entre Haute et Basse-Bretagne. Donc on a regroupé en Haute-Bretagne les régions qui parlent le gallo et le français, et la Basse-Bretagne qui parle le breton. Et finalement, on retrouve assez facilement, enfin, on parle de la rivalité frontalière entre bretons et normands qui focalise sur le Mont-Saint-Michel, sans doute par folklore plus que par autre chose. On retrouve exactement la même chose, la rivalité entre bas-bretons et hauts-bretons, entre bretons bretonnants et rennais, etc. Et souvent, la frontière, enfin la limite en tout cas de la zone, par exemple du côté de Paimpol, ceux qui parlent breton snobent ceux qui parlent le français et réciproquement. Enfin, donc la frontière cristallise ces tensions, ces différences, et je pense qu'il n'y a pas plus breton qu'un breton qui est proche du Couesnon, et j'imagine qu'il n'y a pas plus normand qu'un normand qui est proche du Couesnon. La frontière, la limite, est un phénomène assez fort pour développer cette idée d'appartenance. Après, François Neveu faisait remarquer très très justement que ces limites sont au Moyen-Âge assez floues. On sait que la Bretagne est séparée du Royaume de France par ce qu'on appelle des marches, terre en marche, terre en marge, certaines relevant plutôt de la Bretagne, d'autres plutôt du Royaume de France, certaines étant alternatives. La principale difficulté pour les populations qui les habitent est que souvent elles doivent payer deux fois l'impôt, puisque des deux côtés, les receveurs se chargent de récupérer ce qui revient d'un côté au duc, de l'autre côté au roi de France. Mais il faut attendre très tard pour avoir une frontière, une limite très nette. Et en effet, cette borne, cette histoire de borne est intéressante. On en connaît ailleurs, entre les terres du duc et les terres du vicomte de Rohan, par exemple. Mais ça semble quand même assez exceptionnel. Exceptionnel. Et puis, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Yves Coadvi, il n'y a pas plus breton et pas plus normand que ceux qui sont hors de la Bretagne et hors de la Normandie. Mais ce que nous venons d'évoquer pour la Bretagne, une Bretagne qui n'est pas une mais qui est plurielle, peut aussi s'appliquer à la Normandie au moment où il est question de la régionalisation. Tout d'abord, mademoiselle Bertrand, je vais vous demander, est-ce qu'on peut définir la Normandie, est-ce qu'il faut la diviser entre cette haute et basse Normandie d'abord, et puis ce Cotentin qui, au dire de certains, serait normand sans l'être, étant déjà sur le versant breton? Eh bien, écoutez, vous parlez à une Normande, et mon Dieu, je vais certainement être un peu chauvine. Je vois, au moment de la régionalisation, ma première attitude a été un grand gémissement entre cette division, d'une part en Haute-Normandie, d'autre part en Basse-Normandie, et puis vous allez, je ne vais pas dire me crucifier, mais vous me faites souffrir, car vous venez maintenant de délimiter encore le Cotentin, et d'essayer même de le rattacher à la Bretagne. Je crois que toutes ces divisions sont pratiquement impossibles, voyez-vous. Pour moi, la Normandie est un seul corps, et vous ne pouvez pas, par exemple, séparer le bras droit du bras gauche. Je me permets de protester très énergiquement, nous ne sommes qu'une Normandie. Simone Bertrand, conservatrice du musée de la tapisserie de Bayeux, qui s'exprimait sur France Culture en 1969. Depuis, la Normandie est réunie, les deux régions sont unies. François Neveu, pareil que pour la Bretagne en Normandie, en fait, des habitants du bocage virois, donc à l'ouest de la Normandie, sont beaucoup plus proches des Bretons que ne peuvent l'être des habitants de la région de Rouen ou même de la plaine de Caen. Oui, alors j'étais très ému d'écouter Simone Bertrand, que j'ai bien connue quand elle était bibliothécaire à Bayeux. J'habite moi-même Bayeux, et donc c'est un très bon souvenir. Alors, en ce qui concerne, pour répondre à votre question, donc effectivement, je suis très heureux de la réunification de la Normandie, puisque historiquement, il y a toujours eu qu'une seule Normandie, on n'a pas fait de différence. Mais ceci dit, la capitale traditionnelle, c'est bien sûr Rouen, qui est redevenue officiellement la capitale, mais quand se défend quand même très bien de ce point de vue-là, mais c'est une capitale qui n'est pas du tout centrale. Hein. Et par conséquent, les régions qui sont situées à l'ouest, déjà au Moyen-Âge, ont connu une certaine spécificité. D'ailleurs, par moments, ces régions se sont révoltées contre le duc, notamment en 1047, ça s'est terminé par une bataille gagnée par le jeune Guillaume contre ses seigneurs de l'ouest, justement, la bataille du Valais-Dunes en 1047. Hein. Donc, il y a une certaine spécificité. Alors, s'il y a une spécificité véritable, c'est plutôt géographique, hein, puisque à l'ouest de la Normandie, nous sommes dans le massif armoricain. Et donc, du point de vue géologique et géographique, on est assez proche de la Bretagne. Hein. Donc, le reste de la Normandie, c'est le bassin parisien. Hein. Le bassin parisien s'arrête vers Bayeux, justement. On est tout à fait proche de la frontière et ça se sent bien dans le paysage. Hein. Le bassin et le bocage, en particulier, sont des parties du massif armoricain. Alors, est-ce que ça rejaillit sur le caractère des habitants? Je ne sais pas, mais ils n'en sont pas moins normands, bien entendu. Ils ne sont pas moins normands, et c'est vrai que ce n'est peut-être pas la même chose de vivre dans le granit ou dans une pierre calcaire, avec, malgré tout, dans cette construction des identités, j'ai l'impression, François Neveu, qu'il y a quelque chose qui nous vient toujours du 19e siècle, au moment où se construisent les identités nationales, il y a ce même mouvement d'identité régionale, avec le camembert, le chouchen, la galette, et il y a tout un jeu comme ça qui est en fait très tardif. Oui, alors c'est plus tardif. Mais il y a quand même des choses anciennes. Par exemple, le cidre. Hein. Le cidre apparaît en Normandie. C'est d'ailleurs un point commun entre Normandie et Bretagne, sans doute. Hein. Mais en tout cas, pour la Normandie, on a des textes très clairs. Il apparaît en Normandie dès le XIIe siècle. On a un moine de Saint-Benoît-sur-Loire qui vient en Normandie et il demande du vin. On lui sert du cidre. Il recrache en disant « mais c'est affreux ce breuvage ». Donc, c'est quand même un témoignage intéressant. Et à partir du XVe siècle, eh bien, le cidre tend à remplacer la cervoise comme boisson populaire dominante, si vous voulez, alors que le vin reste évidemment la boisson des classes supérieures. Pour le camembert, c'est beaucoup plus tardif. Hein. Bon, traditionnellement, on attribue l'invention du camembert à Marie Harel, hein, qui est une femme du début du 19e siècle. Hein. Et pas du tout certain qu'on avait ce type de fromage au Moyen-Âge. Et pareil, hein, Yves Coativi, il y a tout un jeu aussi de réappropriation de choses anciennes en les calant à une identité, en l'occurrence avec vous, bretonne. Oui, on a eu un grand moment de bonheur lors des fouilles de l'abbaye de Landévennec, donc abbaye fondée au très haut Moyen-Âge par Saint-Guénolet, et les archéologues ont trouvé ce qui ressemblait quand même à être une galetière, une crêpière de l'époque carolingienne. Ah oui, donc la question... Oui, fierté. Voilà, donc la question a été, mais est-ce bien une crêpière? Et donc les archéologues voulaient faire des analyses, les analyses coûtaient horriblement cher, ils n'arrivaient pas à réunir l'argent pour faire ces analyses, et l'abbé de Landévennec, l'abbé actuel de Landévennec, dans sa grande sagesse, a passé un ou deux coups de téléphone, et là, l'argent s'est débloqué, et on a pu prouver, par les dépôts qu'il y avait au fond de cet essaim de poterie, que ça avait bien servi à faire des crêpes, donc à l'époque de Charlemagne, ce qui est quand même assez intéressant. Là, au moins archéologiquement, on a une trace claire. Alors peut-être qu'on faisait des crêpes aussi en Normandie à la même époque, mais on a une trace archéologique intéressante, surtout attachée à l'abbaye de Landévennec, qui est quand même un symbole de la civilisation bretonne au Moyen-Âge. Mais il est certain que oui, la crêpe, la galette, le cidre, l'andouille de Guémené, etc., forment des occasions de petits contacts amicaux entre bretons et normands, mais ça reste tout à fait sympathique. Voilà, et vous avez utilisé le mot très juste, ça reste sympathique, et c'est vrai que ce sujet de taquinerie m'oblige à citer l'Andouille de Vire, là où je viens, parce que vous avez cité Guéméné, je peux pas faire autrement. Merci beaucoup Yves Coativi, et je rappelle que vous avez travaillé sur l'origine de l'État breton, servir le duc de Bretagne, 13e-14e siècle, publié aux presses universitaires de Rennes. Et pour vous, François Neveu, ce colloque auquel vous avez participé, Bretons et Normands au Moyen-Âge, paru aux presses universitaires de Rennes aussi. Voilà, l'amitié franco-bretonne. Tout de suite dans le cours de l'histoire, nous retrouvons Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, une exposition en plein air. À tous ceux et à toutes celles qui ne migrent pas vers les campagnes familiales ou locatives en ces temps de confinement, les musées et les galeries sont fermés, mais l'histoire s'expose en ville malgré tout. C'est l'occasion de comprendre comment elle est née et comment elle s'est développée, cette ville dont on profite vraiment, vraiment bien en ce moment. Aujourd'hui, c'est Paris et ça commence sur un pont dont à peu près personne ne connaît encore le nom, le pont Saint-Ange, qui enjambe les voies ferrées dans le dos de la gare du Nord entre les quartiers de la Chapelle et de la Goutte d'Or. Rien à voir avec la monumentalité antique du pont de l'empereur Adrien à Rome, c'est un pont qu'on franchit sans même s'en rendre compte, plutôt attiré par le métro aérien qui le coiffe en haut et le faisceau des voies ferrées lancées vers le nord de la France et de l'Europe sous nos pieds. C'est sur ce pont presque sans nom qu'Alexandre Frondizi propose une exposition sur les origines de ce quartier quand à cet endroit-là nous n'étions pas encore en ville, puis pas encore à Paris, puis pleinement métropolitain, lorsqu'en 1860 la municipalité a annexé ses périphéries, vécues par Gervaise, Virginie, Coupeau et Lantier, les personnages de l'assommoir de Zola. Saint-Ange est l'un des représentants de l'entrepreneuriat du bord de ville, anobli par son mariage et sa vocation immobilière. Anstruta est fils de notaire, pseudo-aristocrate par sa femme. Il se fabrique le nom de Saint-Ange et construit en 1827 un quartier cruciforme pour adoucir la pente au profit des voitures à chevaux, parce qu'on commerce ici, de l'autre côté de la barrière fiscale. Le nombre de pas de porte et de vitrines de chaque rue inventées pour l'occasion assure un revenu prometteur. La mégalomanie de l'entrepreneur a été effacée par le temps, mais à l'époque, on empruntait le boulevard Saint-Ange et l'on faisait un crochet par l'hôtel Saint-Ange pour s'y livrer à des activités où l'innocence était loin d'avoir sa place. Des noms de constructeurs qui côtoient bientôt la célébration des conquêtes coloniales en cours, avec les rues Mazagran, d'Alger ou de Constantine. Une urbanisation sans décision de l'État ou de la ville, l'élaboration d'une ville par le bas et d'ailleurs sur des terrains où il était pourtant interdit de construire depuis la Révolution. Les constructeurs privés et pirates avaient alors dessiné ces premiers quartiers habités de la Chapelle et de Montmartre en bonne intelligence avec le plan parisien intramuros, en attendant une connexion officielle. Mais c'était sans compter avec les projets de grande envergure de l'hôpital Lariboisière et de la gare du Nord qui ont condamné la fluidité du passage d'un espace à l'autre pour multiplier les frontières qui enclavent encore aujourd'hui ces rues du nord de Paris dans un îlot coincé en amont par le périphérique. En 1860, lorsque la ville de Paris absorbe ses quartiers, les Batignolles, Belleville, La Chapelle, Clignancourt et bien d'autres, on leur invente des légendes afin de les rendre dignes de la ville historique. Des habits du dimanche pour intégrer la liste sélective des arrondissements parisiens qui passent de 12 à 20 en quelques années, certains disent un peu trop vite. Alors on investit les monuments récents pour leur inventer des généalogies merveilleuses, comme cette maison bourgeoise rouge, le futur château rouge, réputé avoir accueilli les rendez-vous de Gabriel Destrée et d'Henri IV. Une fable marketing largement exploitée par le bal qui s'installe bientôt à cet endroit. Dans une gravure de presse, on aperçoit des couples dansant et le cavalier encourageant sa cavalière à montrer autant d'entrain que la belle Gabrielle, la plus grande polqueuse, danseuse de polka, devant l'éternel. À défaut de danser, rendez-vous sur le pont Saint-Ange pour découvrir cette exposition sur les pionniers de Paris et par là un autre visage de la ville, à défaut de pouvoir en changer. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Somaïa Dabesh avec Esther Valensitz. Aujourd'hui à la technique, Jacques Hubert, une émission préparée par Marion Dupoint, Toscane Viudès, Odile Jouessel, Valentine Corbel-Vivas et Maïwen Guizhou. À écouter, podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Demain, Guadeloupe, Martinique, qui aurait planté la discorde ?